Lisa. Chef du colline, fini bam bam. Ça se lève, content tam tam. Mette la paille à Satraka, Satralala, Rapina blabla. Bouti bouti, li pou danser, dans tout côté, li pou tourner. Mette sur l'écho devant, sur l'écho derrière. Li tourne, li tourne. Sur l'écho devant, sur l'écho derrière. Li tourne, li tourne. Mette sur l'écho devant, sur l'écho derrière. Li tourne, li tourne. Sur l'écho devant, sur l'écho derrière. Li tourne, li tourne. Sur l'écho des vents, sur l'écho des vents.